Règle 9e. Il faut diriger toutes les forces de son esprit sur les choses les plus faciles et de la moindre importance, et s'y arrêter longtemps, jusqu'à ce qu'on ait pris l'habitude de voir la vérité clairement et distinctement. Après avoir exposé les deux opérations de l'intelligence, l'intuition et la déduction, les seules qui puissent nous conduire à la connaissance, nous continuons d'expliquer dans cette règle et dans la suivante par quels moyens nous pouvons devenir plus habiles à produire ces actes, et en même temps à cultiver les deux principales facultés de notre esprit, savoir la perspicacité en envisageant distinctement chaque chose, et la sagacité en déduisant habilement les choses l'une de l'autre. La manière dont nous nous servons de nos yeux suffit pour nous apprendre l'usage de l'intuition. Celui qui veut embrasser beaucoup de choses d'un seul et même regard ne voit rien distinctement. De même, celui qui, par un seul acte de la pensée, veut atteindre plusieurs objets à la fois a l'esprit confus. Au contraire, les ouvriers qui s'occupent d'ouvrages délicats et qui ont coutume de diriger attentivement leur regard sur chaque point en particulier acquièrent par l'usage la facilité de voir les choses les plus petites et les plus fines. De même, ceux qui ne partagent pas leur pensée entre 1000 objets divers, mais qui l'occupent tout entière à considérer les choses les plus simples et les plus faciles, acquièrent une grande perspicacité. C'est un vice commun parmi les hommes que les choses les plus difficiles leur paraissent les plus belles. La plupart ne croient rien savoir quand ils trouvent aux choses une cause claire et simple. Aussi admirent-ils certaines raisons subtiles et profondes des philosophes, quoiqu'ils reposent souvent sur des fondements que personne n'a rigoureusement vérifiés. C'est préférer les ténèbres à la lumière. Or, il faut remarquer que ceux qui savent véritablement reconnaissent avec une égale facilité la vérité, soit qu'ils l'aient trouvée dans un sujet simple ou obscur. En effet, c'est par un acte toujours distinct et toujours semblable qu'ils comprennent chaque vérité une fois qu'ils y sont parvenus. Toute la différence est dans la route, qui certes doit être plus longue, si elle conduit à une vérité plus éloignée des principes primitifs et absolus. Il faut donc s'accoutumer à embrasser par la pensée si peu d'objets à la fois, et des objets si simples qu'on ne croit savoir que ce dont on a une intuition aussi claire que de la chose la plus claire du monde. C'est un talent qui a été donné par la nature aux uns beaucoup plus qu'aux autres. Mais l'art et l'exercice peuvent encore augmenter considérablement les dispositions naturelles. Il n'y a qu'un point sur lequel je ne puis trop insister. C'est que chacun se persuade bien fermement que ce n'est pas des choses grandes et difficiles, mais seulement des choses les plus simples et les plus faciles qu'il faut déduire les sciences mêmes les plus cachées. Par exemple, voulant reconnaître si une puissance naturelle quelconque peut dans le même instant arriver à un lieu éloigné et traverser le milieu qui l'en sépare, je n'irai pas penser à la force magnétique ou à l'influence des astres, ni même à la rapidité de la lumière, pour chercher si ses mouvements sont instantanés. Cela serait plus difficile à prouver que ce que je cherche. Je réfléchirai plutôt au mouvement local des corps, car il n'est dans ce genre rien de plus sensible, et je remarquerai qu'une pierre ne peut dans un instant passer d'un lieu dans un autre, parce qu'elle est un corps, tandis qu'une puissance semblable à celle qui meut cette pierre ne peut se communiquer qu'instantanément, si elle passe toute seule d'un objet à un autre. Ainsi, quand je remue l'extrémité d'un bâton, quelque long qu'il soit, je conçois facilement que la puissance qui le meut met aussi en mouvement, dans un seul et même instant, ses autres parties, parce qu'elles se communiquent seules, et qu'elles n'entrent pas dans un corps, dans une pierre par exemple, qui la transporte avec elle. De la même façon, si je veux reconnaître comment une seule et même cause peut produire en même temps des effets contraires, je n'emprunterai pas aux médecins des remèdes qui chassent certaines humeurs et en retiennent d'autres. Je n'irai pas dire follement de la lune qu'elle échauffe par sa chaleur et refroidit par sa qualité occulte. Je regarderai une balance où le même poids dans un seul et même instant élève un des bassins et abaisse l'autre.